boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Le rock est fait des beaux et des maudits, mais soyons clairs, dans Pop and Rock sur la très locale RVR, les beaux, on n'est pas clients, par contre, les maudits. I've I've lost the power I had to distinguish between what to ignite and what to extinguish. I blew in last night. I'm a host from a coast when the lighting is bad. I'm a man with a most, and you led me to choke on a heart up in smoke, smiling through your tears and your tetracycline overdose. We'll be right back. daughter, did you murder history? Your twin pals, genocide and slaughter, were born on Calvary. When all the good got good and gone, and all the bad we'll be right back. malédiction passée avec succès. Le Roland S. Howard, ex de la bande de Nick Cave, se pose déjà comme l'icône méconnue du rock australien. Et pour vous en convaincre, allez chercher sur les réseaux sociaux, enfin les réseaux dits sociaux, le live acoustique de Dead Radio, chanté par Roland S. Howard. Si le son est pourri, la légende est en route. Thank you. Et si vos oreilles n'ont pas saigné à cause de la mauvaise qualité de ce dernier, je pense que vous êtes digne de la suite. Oh oh oh, ça y est, fait son intello. Ça suffit, la voix off. Ouais, le Brian Johnston Massacre est de retour dans Pop and Rock, je dirais même enfin, mais ne comptez pas sur moi pour jouer les transmetteurs de culture rock. Le Brian Johnston Massacre est en moi juste parce que leur vapeur de rock désabusé me parle des mélodies lentes et mélancoliques à la folie douce du Anton Newcombe, pape et gourou de tant d'artistes, des Dandy Warhol aux Liminianas, Don't Look At Me et leur nouveau titre, profitez et surtout ne cherchez pas plus. We'll be right back. Nouveau titre des cousins des Dandy Warhol en attendant peut-être un énième album en fumée. Alors patience, tout de suite avec The Warlocks et leur Dear Son. Soyons clairs, si ce soir vous vous sentez déprimé, quittez-nous vite parce que les maudits du rock ne pensent qu'à leur trip, ou pas. Yeah. revenons au Brian Johnston Massacre. Si tout à l'heure j'évoquais l'amour du Anton Newcombe pour les coopérations musicales, j'évoquais alors les Dandy Warhol et autres Liminianas, mais je viens de découvrir Tess Park, qui invite l'Anton dans son Wiimote. La voix traînante, pas de doute, Tess Park qui apparaît dans la playlist de Pop and Rock est bien une groupie du Brian Johnston Massacre, et pour ça, je ne la blâmerai pas. Bye. Soyez certains que je pourrais vous faire une nuit entière avec ces mélodies lancinantes et pourtant entêtantes, mais je vais prendre pitié de vous. Merci! De rien, la voix off. avez des inspirations fortes pour programmer votre pop and rock, ce n'est pas que gratter et chercher, c'est aussi se poser devant son écran et attendre pour se laisser surprendre par le septuagénaire issu de Dartford dans le Kent. Yes, a strange, strange game. Strange, strange game. Such a shame, shame, shame. Yes, a strange game. On pense aux pierres qui roulent, on peut glisser vers un petit scarabée. Sur ce, bon vent à tous! Scream me the news, sounds like some bullshit. Don't speak too soon, you'll go and say something stupid.